Écoute, anthropologique, sixième cours, le 30 janvier 2016. C'est Christian Roy qui parle. Aujourd'hui, je vais vous entretenir de René Girard, un penseur qui a développé des perspectives qui peuvent révolutionner l'ensemble des sciences humaines et des humanités. Il a eu une formation littéraire, en fait, élève de l'école des Chartes. Il est mort, il a fait sa carrière aux États-Unis, en fait. Donc, il est mort il y a quelques semaines, plus qu'un nonagénaire. Donc, c'est vraiment une figure de l'après-guerre, là, au cours précédent, il était encore la fin du 19e siècle, là, jusqu'à la Seconde Guerre mondiale. Là. C'est une pensée vraiment de la deuxième moitié du 20e siècle. Donc, on peut dire qu'à l'époque de la décolonisation, l'anthropologie aussi avait une mauvaise conscience. Il semblait déplacé de parler de culture primitive, comme au temps de Lucien Lévi-Bruhl, de Marcel Mauss, ou même d'insinuer que les petites sociétés traditionnelles que les ethnologues s'appliquaient à étudier différaient fondamentalement des nôtres. Mais cependant, c'est quelque chose qui. Ces dernières décennies, il est devenu plus acceptable d'envisager que peut-être la modernité, après tout, forme bel et bien une exception anthropologique. Et à cet égard, René Girard est un des représentants les plus radicaux de ce point de vue. Pour lui, c'est la déviation par rapport à un modèle humain général qui est l'essence même de la civilisation occidentale. Et il retrace cette déviation ou cette distance aux origines de la révélation judéo-chrétienne, plutôt que dans l'héritage critique et rationaliste de la Grèce. En fait, il est tombé sur ces grandes théories un peu par hasard. En fait, au fil de recherches un peu dictées par les circonstances, il avait été engagé comme professeur d'études françaises dans une université américaine. Et puis c'est comme ça que, dans son premier livre, où il énonce sa théorie du désir mimétique, donc s'intitule « Mensonges romantiques et vérité romanesque », qu'il a écrit donc, pour des raisons sur ce thème, le roman, pour des raisons secondaires et même accidentelles, bien qu'il était dépourvu de toute formation littéraire, mais c'est la littérature qu'il enseignait. Donc ce sont ces classes consacrées surtout à l'étude de romans qui l'ont lancé dans l'aventure de ce livre, qui lui ont livré une clé, qui l'ont mené dans une interprétation générale de la culture humaine et de la société humaine. Donc, pour désigner le désir mimétique, ce livre, Mensonges romantiques et vérités romanesques, pardon, recourt à un certain nombre d'expressions plus ou moins interchangeables. Désir selon l'autre, désir d'emprunt, désir triangulaire, ou encore désir médiatisé et médiation. Ce dernier terme, qui vient de Hegel, désigne simplement ici l'intermédiaire, l'entremetteur dont le désir a besoin pour choisir son objet, le modèle de ce désir, parfois imaginaire, mais souvent aussi réel. À la différence des appétits et des besoins dont l'instinct détermine les objets, le désir n'a pas d'objet prédéterminé. Cette liberté du désir fait son humanité. Il y a dans l'homme une insuffisance d'être que chacun ressent obscurément. Dès l'enfance, donc, on désire intensément, mais sans certitude de désirer à bon escient. on s'en remet à l'opinion du grand nombre. Souvent aussi, on imite un individu qu'on admire et auquel on voudrait ressembler. Ici, en fait, j'emprunte à la présentation que Girard fait de son œuvre dans un recueil de ses quatre principaux ouvrages de la violence à la divinité. Donc souvent, on imite un individu qu'on admire et auquel on voudrait ressembler. On s'efforce alors de conquérir l'être de ce modèle, hein, de devenir lui, en somme, sans cesser d'être soi-même. Pour atteindre cet objectif, on s'efforce d'acquérir ce qui paraît le plus essentiel dans l'être désiré, l'objet de sa passion dominante, à laquelle on confère une valeur quasi sacramentelle. Hein. Donc, pour devenir celui grâce auquel on a besoin d'orienter nos désirs qui en soi sont indéterminés, c'est sur ces désirs à lui qu'on imite. C'est le désir d'un autre qui est en fait l'obscur objet du désir. Donc, que se passe-t-il lorsque ce ne sont pas des héros de romans qui nous poussent à désirer, mais un désir bien réel, celui du modèle que nous imitons? Les objets susceptibles d'être désirés sont de deux sortes. Il y a d'abord ceux qui se laissent partager, ceux qui peuvent être possédés en commun. Imiter le désir qui inspire ces objets suscite de la sympathie entre ceux qui partagent le même désir. Il existe aussi, hélas, ce second type d'objet, celui qu'on ne peut pas ou qu'on ne veut pas partager. L'objet auquel on est trop attaché pour l'abandonner à un imitateur. Donc c'est ou bien. On ne peut pas être les deux ensemble, avoir le même désir, c'est un ou l'autre, et non pas un et l'autre. Donc l'objet archétypal ici, c'est l'épouse que l'époux se réserve jalousement. Joyeusement aussi. Oui. La convergence de deux désirs sur un objet non partageable fait que le modèle et son imitateur ne peuvent plus partager le même désir sans devenir l'un pour l'autre un obstacle dont l'interférence, loin de mettre fin à l'imitation, la redouble et la rend réciproque. C'est la rivalité mimétique. Donc même celui qui est désiré se trouve comme en quelque sorte menacé par le désir de l'autre et puis il tente à, ou en tout cas stimulé, et il tend à reproduire de son côté. Donc le sentiment positif qui oriente d'abord le disciple vers son modèle fait place alors à une haine d'autant plus obsédante qu'elle reste mêlée de vénération. Hein, c'est toujours une relation amour-haine, le désir. La rivalité mimétique produit des effets de surenchère qui se répandent contagieusement, mimétiquement, et tendent à désagréger les communautés. À chaque tour de cette spirale, le processus rivalitaire suggère aux participants les mêmes stratégies pour triompher de leurs rivaux, les mêmes ruses pour dissimuler ce dessein. Les antagonistes ne peuvent rien dire, rien faire, rien éprouver sans que ce même dire, ces mêmes actions, ces mêmes impressions ne leur soient aussitôt renvoyées par le miroir satanique du rival. Satanique, ça veut dire, pour Girard, il prend ça au sens sémitique de l'expression shaitan, c'est-à-dire l'accusateur. Hein, c'est l'avocat de l'accusation. Avocat du diable. C'est comme les provocateurs. Hein? Les provocateurs. C'est celui qui représente, c'est l'avocat de la couronne en quelque sorte, il représente le surmoi en quelque sorte, c'est lui qui représente le collectif, le consensus qui est déjà là, mais ça c'est sur le plan social, là, ça existe aussi, c'est la posture d'accusation, de placer la faute sur quelqu'un et la concentrer là, et donc, c'est la posture d'accusation. C'est ça la notion de Satan dans le compte. Enfin, on va y venir. Là, comment toutes ces choses-là sont mises en scène dans la révélation biblique, c'est précisément l'acte d'accusation qui est satanique, alors que l'avocat de la défense, en fait, quel est le terme qui correspond à ça? Dans l'Évangile, à la fin, on parle de paraclet, c'est-à-dire c'est le terme qu'on applique à l'Esprit Saint, et ça veut dire littéralement le défenseur. Hein? Donc, c'est celui qui défend le victime qui est sur le point d'être exécuté, d'être lynché. Donc c'est ça, la posture d'accusation est satanique et la posture de défense de la victime, c'est ce qui est proprement spirituel dans la révélation biblique. Et on va voir que c'est quelque chose d'assez exceptionnel en fait dans les structures religieuses et mythologiques. Mais dans les procès en canonisation. Mm-hmm. Oui, il faut un avocat du diable, oui. Mais sauf que, en fait, d'habitude, la règle, l'accusation, c'est le fait de Dieu, d'habitude, des dieux. Hein? C'est par rapport aux règles de la communauté, à l'ordre cosmique qu'on est coupable. Et là c'est très intéressant que dans ce contexte-là, on s'expose en quelque sorte à l'accusation afin d'y faire face. On l'invite parce qu'on a la chance qu'on peut y faire face. Ça, je pense. C'est une digression là, mais disons que. Donc la rivalité mimétique est partout, mais seuls quelques écrivains rompent le silence à son sujet et dénoncent les falsifications dont elle fait l'objet. Parce que le mensonge romantique, c'est bon. C'est bon. L'individu autonome qui éprouve un désir qu'il croit original pour un objet unique qu'il rêve de s'approprier d'une manière ou d'une autre. Et sans s'apercevoir, comme le font les bons romanciers, que c'est un désir qui n'est pas le sien, mais qui est repris, qui est imité d'une autre source très souvent littéraire, hein, comme Don Quichotte, il veut imiter les romans de chevalerie, comme au Moyen-Âge, alors qu'il n'est plus au Moyen-Âge. Hein, c'est une satire, Don Quichotte. On trouve ça très noble et tout ça. Là, Jacques Brel a fait tout un numéro avec ça, mais en fait, c'est une figure de ridicule, en fait, là, parce qu'il tombe dans le piège du mensonge romantique. Là. C'est un médiéval attardé, donc un romantique. Et bon, on peut penser à Madame Bovary, bien sûr, là, dont l'adultère est calqué sur ses lectures romantiques, etc. Alors que les grands romanciers sont ceux qui montrent l'illusion romantique, hein, comme Proust, c'est probablement celui qui va le plus loin là-dedans pour démonter ça. Là, comment le désir est une chose qui n'a pas de substance et qui est comme dictée par ces processus d'imitation. Et quand on atteint l'objet du désir, on s'aperçoit que c'est quelque chose de tout à fait ordinaire et qu'il n'y avait pas besoin, qu'il n'existait pas cette attention obsessive qui nous a été en quelque sorte soufflé réflexivement par une impulsion mimétique. Et d'ailleurs, Girard, en fait, il est très critique de Freud, mais lui oppose Proust. Proust va beaucoup plus loin, selon lui, dans la compréhension de la psyché humaine que Freud, qui s'en rapproche, mais qui passe toujours au point décisif, passe à côté. Ça, je vais y arriver aussi. Ça me rappelle en fait un peu quand j'étais étudiant, j'assistais à une conférence il y avait une première vague des critiques de Freud après l'engouement là, des freudo-marxistes et tout ça, et je sais plus qui c'était, mais il dit le cliché vaut toujours qu'on doit interpréter Proust à la lumière de Freud, mais pourquoi en fait on ne pourrait pas interpréter Freud à la lumière de Proust comme un autre grand récit en quelque sorte? Pourquoi c'est pas le romancier qui pourrait juger le psychanalyste en fait? C'est tout à fait l'intuition de Girard. Donc, pour ne pas confronter notre mimétisme, nous maquillons les conflits qu'il entraîne en opposition d'idées, d'opinions et de croyances. On croit que c'est des conflits de substances et d'objets, alors que c'est simplement des phénomènes structurels, en quelque sorte. C'est tout simplement parce qu'il y a un autre qu'on se structure en opposition à ce qu'il représente. Donc, mensonge romantique donc, et vérité romanesque, d'après son auteur, entend montrer que le désir a une histoire et qu'elle se définit par le rapprochement constant des modèles et de leurs imitateurs. Il ne s'agit pas là d'un phénomène exclusivement littéraire. On vérifie aisément qu'il se produit aussi dans l'histoire réelle. Plus le monde se démocratise, plus la liberté individuelle se répand, plus les rivalités se multiplient, les plus stériles comme les plus fécondes. Toute cette concurrence accélère le développement économique, scientifique et technique, mais simultanément, elle suscite le malaise des individus dans l'instabilité de toute communauté familiale, locale, nationale. C'est un peu le problème quand on parle de la communauté de la société, avec Tony, c'est une société de marché, tout ça. Donc, la théorie mimétique du désir rejoint sur beaucoup de points la pensée de Tocqueville dans la seconde partie de son essai sur la démocratie en Amérique, brièvement évoqué dans le livre de Girard, dans son chapitre sur Stendhal. Dans ce premier ouvrage de Girard, il effectuait donc une psychopathologie de l'homme moderne et pour lui, Stendhal, Proust et Dostoïevski apparaissent comme ceux qui ont, qu'ont compris le plus profondément, qui ont compris cette condition plus profondément que les psychologues professionnels. Mais à partir de son second ouvrage, La violence et le sacré, René Girard se met à polémiquer régulièrement avec le plus grand psychologue de tous, c'est-à-dire Freud. Sa critique de la psychanalyse est peut-être la partie la plus convaincante de toute sa théorie. Ici, je cite un vulgarisateur flamand de Girard. Là, je vais traduire au pied levé. Certains de ces résumés ici. Girard donc relie un certain nombre d'essais canoniques de Freud qui depuis trois générations avait déjà été la lecture obligée pour tout psychiatre. Son commentaire inattendu. Il découvre des sources de pensée et des points aveugles qui rendent vraisemblable que l'approche mimétique de Girard est en fait met le doigt sur un point sensible que Freud a cherché sa vie durant et qui n'a pas cessé de manquer, passer à côté et de pas arriver à le thématiser explicitement. La psychanalyse était donc occupée à sa manière par les tribulations du désir mimétique. Seulement, elle n'a pas su l'élucider en ce qu'elle expliquait toutes les difficultés à partir d'un conflit de base des années d'enfance qui se répétait tout au long de la vie. Donc ce nœud édipien chez Freud est fondamentalement non mimétique. Le désir de l'enfant pour sa mère est présenté comme une impulsion primaire absolue qui n'a pas besoin d'autres explications ou de modèles. La collision, la confrontation avec le père ne fait pas exception. Comme elle est intériorisée en tant que norme, elle oblige tous les autres désirs à ne jamais se sentir autorisé ou innocent. Donc, en fait, bon, la conclusion que notre culture a tirée, c'est qu'il n'y a qu'à éliminer le père et puis tous les désirs vont devenir innocents et plus de problème. Donc, René Girard, oppose à cette, enfin, souligne dans cette introduction que le père peut avoir ce genre d'effet absolu parce que l'enfant l'a d'abord inconditionnellement admiré. De nombreux textes de Freud découvrent dans la relation avec le père toutes sortes d'ambiguïtés d'une allure clairement mimétique. Le père édipien est à la fois un idéal du moi et un surmoi. Freud s'interroge peu à ce sujet. Il désigne plutôt une ambivalence qu'il décrit comme une propriété constitutive de tout lien intense. Ce terme est assez large pour se traduire dans toute émotion et son contraire. D'un autre côté, l'approche mimétique rend la récurrence des conflits un peu plus facile à saisir. Les patients édipalement bloqués de Freud sont comme des poisseux en quelque sorte qui attirent le malheur parce que chaque nouvel objet d'amour exigé par leur fantasme se heurte à un rival imposant. Cette contrariété inamovible à répétition devient moins énigmatique si on accepte que les affections sont à chaque fois limitées par enfin déterminées par un exemple prestigieux. Donc la polémique avec Freud est encore un des grands thèmes de la violence et le sacré de Girard. Donc, son deuxième livre, qui est avant tout ethnologique dans sa portée et qui se met et qui s'oppose en fait sur ce terrain aux traditions dans cette discipline anthropologique. Pour les ethnologies traditionnelles, la durabilité des sociétés est avant tout fonction de leur capacité de pourvoir à leurs besoins matériels. Les études de terrain font l'inventaire des répartitions de tâches, des techniques et des pédagogies et la religion se profile seulement comme la... une invocation des dieux qui peuvent favoriser les récoltes, par exemple. L'hypothèse du bouc émissaire, qui est introduit Girard, déplace l'accent de la rareté, bon, qui est censée être la motivation économique, l'organisation sociale, vers la violence qu'il s'agit de conjurer. Le problème fondamental pour lui, pour toute société humaine, ce n'est pas tant que leur membre peut... pourraient mourir de faim, mais plutôt qu'ils s'exterminent les uns les autres jusqu'au dernier. C'est ça le problème premier de toute société. L'agressivité est un risque plus fondamental que le manque. Donc la solution la plus élémentaire est très proche du mal qu'il s'agit de conjurer. La violence envisagée socialement est surtout dangereuse parce que elle peut affecter des sociétés entières. Elle est contagieuse. Le sang appelle la vengeance et les vendetta peuvent s'étendre à l'infini. La même logique mimétique peut faire en sorte que l'agression converge vers une victime unique. Si le groupe entier arrive à mettre à part un bouc émissaire, le meurtre de cet être qui est mis à part rend la société unanime à nouveau. Donc elle conjure le danger d'une contagion de la violence à l'infini. Un résultat étonnant, c'est que les perpétrateurs sont définitivement persuadés que leur victime a été effectivement la source du mal. Mais en même temps, mais une fois qu'elle a été tuée et que la paix a été ramenée dans l'unanimité restaurée de la communauté, la victime apparaît à la fois comme un mystérieux sauveur. Elle a un double rôle, à la fois ce qui met en danger et ce qui sauve simultanément, avec un double visage du sacré, et qui est à la base de toutes les conceptions religieuses de l'humanité. Pour René Girard, les foules de lynchage sont un scénario de base, hein, les lynch mobs, comme on trouvait dans le sud américain, là, qui prenaient un noir ou un suspect de crime quelconque pour le tuer sans procès. C'est la règle dans l'histoire humaine, ce genre de phénomène. C'est là-dessus qui s'est édifiée la culture, en fait, en symbolisant cela. Paul Valéry a pu dire qu'au 20e siècle, les civilisations ont découvert qu'elles sont mortelles, d'après Girard, en fait, les sociétés humaines ont toujours eu cet obscur pressentiment et qu'elles sont... Donc leur priorité est de conjurer cet effondrement qui est jamais loin, qui est une possibilité toujours très proche de la société. Et si bien que dans toutes les sociétés humaines, la victime, le sacrifice est le cœur des rituels religieux. Depuis les Lumières, les ethnologues se sont moqués du zèle naïf que les sociétés primitives sont consacrées à offrir à sacrifier à leurs yeux de la viande ou du blé en cadeau. Mais pour Girard, en fait, tout ça c'est profondément significatif. Il voit le sacrifice comme un événement, un phénomène social, fondamentalement interpersonnel, où les gens concernés, institutionnalisent le processus salutaire d'expulsion du bouc émissaire. La répétition de cette exécution de la victime qui a ramené l'ordre dans la société suit des règles du jeu très strictes qui endiguent aussi soigneusement que possible la violence autour d'une victime impossible à confondre avec toute autre. Hein. C'est parce qu'il n'y a qu'une victime désignée de façon très stricte que la violence peut ne cesser. Arrêter d'être contagieuse. Donc les rites sont d'autant plus sont respectés d'autant plus scrupuleusement. Hein. C'est comme la manipulation des matériaux radioactifs dans une installation nucléaire. Hein. C'est quelque chose d'extrêmement toxique et contagieux, etc. Donc ça demande des protocoles infinis pour une manipulation qui écarte tout danger. Pour ce qui par ailleurs produit l'énergie de la société. C'est à la fois absolument vital à la société et on ne peut plus dangereux qui est exigeant des mesures de sécurité, on pourrait même dire de propitiation, exigeant de vigilance de tous les instants. En fait, c'est le scénario primordial de la société humaine envers elle-même, envers la violence qui est toujours sur la surface, sous la surface, qui est inhérente à la structure mimétique du désir. Et parce que les choses peuvent toujours déraper, hein. Les premières manifestations d'une littérature séculière et non mythique qu'on trouve en Grèce, comme la tragédie grecque, donc dans les Bacchantes d'Euripide, on trouve le récit choquant d'un rite dionysiaque où le bouc à sacrifier est remplacé à la dernière minute par une victime humaine. Hein, bon. Parce que l'original, c'est une victime humaine. Hein? Donc, il y a toujours possibilité de déplacement dans une littéralité que le rite conjure. À côté des sacrifices, nous dit Girard, l'autre institution essentielle du religieux archaïque, ce sont les interdits. Partout où la violence est déjà déchaînée, elle risque de se déchaîner à nouveau. De génération en génération, ce sont toujours les proches qui s'enflamment mimétiquement les uns contre les autres. Ce sont les individus trop voisins et trop semblables pour ne pas désirer les mêmes choses. Alors, c'est pas la différence qui est menaçante, c'est la même thé. C'est contre ça que la société est organisée, contrairement à ce qu'on répète tout le temps. Dans de nombreuses sociétés archaïques, les frères jumeaux sont des rivaux exemplaires, en quelque sorte redoutables en tant que jumeaux, et souvent massacrés à leur naissance pour éviter des risques de rivalité inexpiable. Bon, souvent, on les trouve souvent à l'origine dans les mythes de fondation, qui sont toujours violents, évidemment. Mais c'est pas sur ça que je vais m'attarder aujourd'hui. Donc, si les interdits étaient réellement, si les interdits étaient réellement ce que les psychanalystes et autres avant-gardistes nous racontent, s'ils étaient inutiles, s'ils s'enracinaient dans une haine purement névrotique de la sexualité, c'est toute l'activité sexuelle qu'ils auraient interdite. Mais ce n'est pas de ça qu'il s'agit. La réalité dans les sociétés archaïques était très différente. La jeune fille interdite à tel ou tel individu était autorisée, même prescrite à un troisième. Ce dont rêvaient les interdits archaïques, et pas seulement sexuels, c'était de répartir à l'avance tous les objets désirables de façon à prévenir les rivalités mimétiques. Ce n'est pas une haine irrationnelle du plaisir qui les motivait, c'était la crainte très justifiée de la violence à l'intérieur de la communauté. Si les rites et les interdits n'avaient pas joué un rôle protecteur tout au long de l'histoire humaine, ils n'auraient pas duré aussi longtemps. En anthropologie, comme dans d'autres domaines, le XXe siècle finissant a souvent renoncé au bon sens, et le bon sens lui a bien rendu, selon Girard, pour qui l'anthropologie mimétique qu'il a fondée est un retour légitime, avec des instruments renouvelés, à la libre recherche de la première moitié du XXe siècle, qu'ont illustré des gens comme Lévi-Bruhl et Marcel Mauss, par exemple, avant que tout ça se dogmatise après la guerre dans des systèmes comme le structuralisme. Donc, c'est ça. Donc, au fond, l'interdit de l'inceste, c'est tout simple. Le désir se porte naturellement sur ce qu'il y a de plus proche. Donc, il faut, et c'est là qu'il est le plus dangereux. Donc, il faut le dévier par des rites vers des objets éloignés, parce que s'il peut jouer dans la proximité, c'est la violence qui se déchaîne au plus près. Donc il faut dévier le désir rituellement par des interdits pour empêcher que ce qui est proche soit immédiatement désirable. Donc, dans le livre suivant, Des choses cachées depuis la fondation du monde, René Girard va un pas plus loin. Ayant démonté le mécanisme du religieux archaïque dans la violence et le sacré, dans le livre suivant, donc, il montre en quoi il y a une sorte de sortie religieuse de ce religieux qui se manifeste dans la révélation biblique comme une exception à tout ça ou une subversion de tout cet ordre de phénomène qui justement, révélation des choses cachées depuis la fondation du monde, c'est la violence fondatrice des sociétés, c'est ça que la société cache, c'est le secret de sa propre fondation. Et c'est ça qui précisément est mis et est révélé dans les récits bibliques, selon Girard. Car de même que les mythes fondateurs racontent la genèse des religions archaïques, et je souligne en passant, c'est pas que Girard était catholique ou par exemple qu'il a entré dans l'étude de la littérature ou de l'anthropologie dans l'idée de le faire entrer dans des catégories bibliques. Au contraire, c'était complètement agnostique et vaguement anticlérical, comme tout intellectuel français qui se respecte. Et c'est son étude de la littérature qui l'a amené à voir que les phénomènes qu'il analysait, en fait, était le côté mensonge romantique, on le retrouvait dans les religions archaïques, en fait, dans le processus même du mythe, et le dévoilement des processus de mimétisme violent, on le trouvait dans les révélations bibliques. Donc, il a été amené, en fait, à une perspective religieuse par une recherche empirique, en fait. Et pour lui, donc, de même que les mythes fondateurs racontent la genèse des religions archaïques, les évangiles racontent la genèse du christianisme. Dans les deux cas, tout commence par une crise violente qui lance la communauté à la recherche d'un coupable. Derrière les mythes, la crise initiale est réelle, mais nous n'avons aucune preuve écrite de sa réalité. Dans le cas des évangiles, au contraire, le savoir historique confirme cette réalité. La crise ne fait qu'un avec l'étranglement progressif de la petite théocratie juive par l'occupant romain. Pour desserrer cet étau, les autorités du temple imaginèrent un jour le partage avec le procurateur romain, Pilate, d'une victime dont la mort aurait dû calmer un peu tout le monde sans gêner vraiment personne. C'est le rôle du bouc émissaire, tel que le définit Caïphe en parlant de Jésus dans la phrase fameuse de l'évangile de Jean. Il vaut mieux qu'un seul homme meure et que le peuple ne périsse pas tout entier. Hein, ça va toujours être ça le défi des sociétés humaines et la fondation du sacré. La crucifixion est une version modernisée et étatisée du lynchage archaïque, une étape vers la peine capitale des États modernes. Elle assure au pouvoir impérial son monopole sur la violence, sans éliminer toute participation populaire. Rassemblée autour de la croix, la foule encourage les bourreaux de la voix et du geste. L'effet cathartique reste l'essentiel, et c'est lui, de toute évidence, que vise Rome aussi bien que Jérusalem. Après la mort de Jésus, au grand soulagement de Pilate, tout le monde rentre paisiblement chez soi. Les ressemblances entre la Passion et les mythes archaïques sont d'autant plus frappantes qu'elles s'étendent, semble-t-il, à l'effet religieux final. Dans le christianisme, comme dans les mythes, c'est un bouc émissaire qui est divinisé. Bon, certes, le processus qui se déroule dans les évangiles est le même que dans les mythes, mais les auteurs ne l'interprètent pas de la même façon. Dans les mythes, la victime paraît justement condamnée et tuée. Les mythes, ce sont les foules qui parlent, les foules qui massacrent leur bouc émissaire parce qu'elles croient dur comme fer à leur culpabilité. Donc, les mythes, c'est le lynch mob qui raconte la justification de ce qu'il a fait, que ce n'était que justice. Donc les évangiles, au contraire, repèrent et dénoncent l'illusion des persécuteurs. Rien de plus simple, donc rien de plus évident que la différence entre eux et la mythologie. Les mythes ne soupçonnent pas le caractère trompeur du phénomène qu'ils rapportent. Les évangiles, au contraire, appréhendent cette erreur. Ce sont eux qui révèlent l'existence des phénomènes de bouc émissaire. Les mythes s'en remettent aveuglément aux lyncheurs, avec lesquels fréquemment ils se confondent. Ils n'ont aucune intention de dissiper le mensonge. Ils ne font que refléter passivement le mimétisme unanime de la foule. Ils partagent tout bêtement la confiance des lyncheurs dans le bien fondé de leur lynchage. C'est ce mensonge inhérent aux religieux archaïques que retransmettent les mythes sans jamais douter de sa vérité. Et dans les évangiles, la foule se conduit exactement comme dans les mythes. Si elle est représentée comme hostile à Jésus, ce n'est pas parce que les évangiles sont hostiles aux Juifs, c'est parce que cette foule, comme toutes les foules du monde, est aveuglément hostile à son bouc émissaire. Si les évangiles étaient des mythes, Au lieu de condamner les lyncheurs, c'est la victime qu'ils condamneraient. C'est ce que font les mythes sans jamais se demander s'il ne leur arrive pas de se tromper. Les évangiles ne font rien de plus et rien de moins que ce que fait l'Ancien Testament avant eux, mais ils le font dans le contexte du judaïsme, lui-même la religion localement dominante, et ceci rend la chose plus exceptionnelle encore. Après quelques défections et hésitations, les disciples de Jésus se désolidarisent de leur institution religieuse en faveur du bouc émissaire injustement condamné. Alors que dans le religieux archaïque, les dieux sont présents chaque fois que le mécanisme du bouc émissaire sauve une communauté de sa propre violence, en lui procurant des victimes de rechange, dans la Bible déjà et dans le Nouveau Testament ensuite, Dieu est présent là où ce même mécanisme est empêché de fonctionner. Le mensonge du processus est alors révélé. Au lieu de se dérouler dans l'ombre, en secret, comme dans les religions archaïques, la persécution presque unanime de Jésus fait l'objet du récit le plus long et le plus détaillé du Nouveau Testament, le plus moderne par sa facture, celui dont les quatre versions varient le moins d'un évangile aux autres. C'est comme un reportage de témoin d'un accident. C'est de qualité journalistique, en quelque sorte. Une allusion éblouissante à la révélation du meurtre fondateur, c'est la phrase de Matthieu que Girard a choisie pour le titre de son troisième livre, « Les choses cachées depuis la fondation du monde ». Bon, c'est une citation du psaume 78, « Ma bouche prononcera des paroles, elle révélera des paraboles, elle révélera les choses cachées depuis la fondation du monde ». Ce qui est caché depuis la fondation du monde n'est autre que cette fondation elle-même. Le toujours caché, c'était le meurtre fondateur, le résultat du mécanisme victimaire, et c'est Jésus qui rend tout cela visible en subissant cette violence très visiblement injuste dans sa crucifixion, en l'exposant au regard de tous et dans les quatre récits de la Passion, la privant ainsi de sa puissance fondatrice. Lentement, mais inexorablement, les évangiles détruisent le pouvoir de susciter de nouvelles religions archaïques analogues à celles qui, avant la révélation chrétienne, avaient toujours protégé l'humanité de sa propre violence. Les mythes restent englués dans les mécanismes de bouc émissaire, mais la Bible et les évangiles s'en dégagent et nous permettent de nous en dégager. Ils rendent les sacrifices sanglants détestables à nos yeux et détruisent à jamais le religieux archaïque. Si la Bible paraît plus violente que les mythes, c'est parce qu'elle rend explicite la violence que les mythes dissimulent. Le récit de la Passion est bien plus réaliste, forcément, que les lynchages à peine suggérés ou complètement escamotés de la mythologie. Au lieu de succomber comme limite aux mensonges des boucs émissaires, la Bible et les évangiles subvertissent l'illusion universelle et instaurent une ère nouvelle dans l'histoire de l'humanité. Que Nietzsche, d'un point de vue opposé, mais somme toute tout à fait clairvoyant, appellera la plus grande catastrophe de l'histoire de l'humanité, c'est-à-dire que l'empêchement de tourner en rond dans la constitution de... d'unité sacrée autour d'une victime unanimement désignée par des maîtres et des dominateurs en toute bonne conscience. Tout ça, ça devient... on s'aperçoit désormais que le roi est nu, en quelque sorte. Et les illusions collectives qui faisaient tenir les sociétés deviennent de plus en plus difficiles à maintenir et avec de plus en plus grand renfort de violence, en fait, ou de dans une sorte d'escalade désespérée. À mesure que des victimes prétendent remplacer les maîtres et puis qui pour cacher leur propre violence de nouveaux maîtres la déchaînent contre de nouvelles victimes dans des cycles qui prennent de plus en plus de d'ampleur. C'est comme si la vieille mécanique de la société humaine était à jamais déréglée, que partait dans une sorte de spirale où elle se défait de plus en plus. Donc la révélation destructrice du lynchage fondateur ne fait qu'un avec l'interprétation chrétienne du Dieu biblique, inséparable de la victime consentante. C'est là ce qui justifie la conception trinitaire de ce Dieu. Alors que dans les mythes, c'est la violence qui divinise la victime, dans les évangiles, c'est l'amour de Dieu pour les hommes qui se fait connaître dans la crucifixion, dans le fait que le bouc émissaire est innocent et que Dieu se révèle comme ce bouc émissaire innocent. Et c'est intimement lié à l'idée qui fournit, qui est résumée au début de l'évangile de Jean, que bon, le Verbe s'est fait chair. Ça doit être bon, au commencement était le Verbe, et le Verbe était avec Dieu, et le Verbe était Dieu. Donc cette unité, cette distinction, à la fois, c'est directement lié, en fait, à toute cette problématique de bouc émissaire innocent. Bon, Girard souligne en effet que le prologue de Jean sur le Logos, le Verbe, est très riche sur ce rapport, évoquant l'incarnation du Verbe. Donc, les paroles que je viens de citer sur le Verbe s'est fait chair, c'est suivi immédiatement de « La lumière a brillé parmi les ténèbres, et les ténèbres l'ont rejeté. Il était dans le monde, et le monde fut par lui, et le monde ne l'a pas reconnu, et il est venu dans son propre bien, et les siens ne l'ont pas accueilli. » Bon, un autre exemple de formulation explicite de l'expulsion fondamentale est le rappel par Jésus, juste avant sa passion, d'une phrase remarquable du psaume 118, « La pierre rejetée par les bâtisseurs est devenue la pierre de fait, la pierre d'angle. » Donc, la pierre rejetée par les bâtisseurs, c'est la victime émissaire, universellement expulsée par ceux-là même qui, finalement, découvrent que l'édification de la communauté ne peut pas se faire sans elle. Donc, seule l'hypothèse mimétique peut rendre compte de ce paradoxe, selon Girard. Est-ce à dire qu'elle exige nécessairement une conversion religieuse à la religion de la sortie du religieux, comme Marcel Gauchet appelle le christianisme, parce que pour lui, c'est la religion qui structurellement cause la sécularisation du monde, le désenchantement du monde, en rendant les formes anthropologiques et mémoriales de la religion impossibles à admettre ou à maintenir. Girard touche à cette question donc dans son livre Des choses cachées depuis la fondation du monde. En soulignant le paradoxe de ce que dans l'univers secrètement gouverné par la révolution évangélique, et en raison du caractère prodigieusement concret de cette révolution, hein, cette conscience qu'on a de la victime innocente, en raison de la désacralisation qu'elle opère et de la voie qu'elle ouvre vers les mécanismes les plus cachés de la culture humaine, par une délivrance à l'égard du désir mimétique et des illusions qu'il nous impose. Donc, donc cette révolution, du même coup, pourra pour la première fois se dérouler sans se réclamer jamais de la moindre divinité. Cette référence paraîtra même d'autant moins nécessaire qu'il y aura assez de résultats concrets, bon, littéraires dans le cas de Proust, non littéraires ailleurs, pour que toute référence à une transcendance autre que celle du savoir en train de se faire paraisse superflue, au même contraire à la vérité de ce savoir. Hein? Donc, ceci n'exclut donc absolument pas du côté de l'homme une certaine continuité entre les religions sacrificielles et ce renoncement universel à la violence auquel l'humanité entière serait conviée par la révélation chrétienne. La séparation absolue entre la seule divinité vraie et toutes les divinités de la violence, radicalement démystifiées par les évangiles, ne doit pas, selon Girard, nous empêcher de reconnaître dans les religions de la violence, toujours déjà orientées vers la paix, hein, parce que c'est par le sacrifice que la paix a été ramenée et maintenue dans la société humaine de façon immémoriale, donc des moyens qui ont servi à l'humanité pour sortir d'abord de l'animalité et s'élever ensuite jusqu'aux possibilités proprement inouïes qui s'offrent à elle désormais, mêlées certes aux périls les plus extrêmes. À chacune de ces étapes, et en particulier aux plus avancées comme les nôtres, les hommes pourraient choisir d'autres moyens que la violence et le refus pour arriver au Dieu de non-violence. Mais si c'est la violence qu'ils élisent, peu importe en définitive, c'est toujours dans la même direction qu'ils avancent, volontairement ou malgré eux, c'est toujours vers le même but que tout converge. Hein, le démasquage des ressorts mimétiques de la violence collective. Donc c'est un des mystères, bien sûr, et non le moindre, que cette continuité relative entre les religions soit présente entre le logos de la violence, le logos d'Héraclite en quelque sorte, où l'être est une rivalité continuelle d'éléments disparates, et le logos joannique, celui du verbe au début de l'évangile de Jean, donc au bénéfice de l'humanité. Loin de contredire la séparation complète entre le logos archaïque ou héraclitéen et le logos joannique, cette continuité ne devient possible en vérité que grâce à cette absence totale de complicité du verbe avec la violence. et c'est précisément ça qui amène Girard à enchaîner avec la critique de l'au-delà du principe de plaisir de Freud et de la psychanalyse structurale à propos de l'instinct de l'instinct de mort. Par la confrontation avec cet horizon d'une violence toujours plus dévoilée, qui est difficile pour lui d'expliquer autrement que de façon par rapport à la révélation du désir mimétique. Pour Girard, nous pouvons accepter la définition lacanienne de l'inconscient comme structuré comme un langage. Bon, cet inconscient-là existe au sens où les structurations lévi-straussiennes existent. Il est vrai que nous sommes enfermés dans le langage, mais tout cela n'est peut-être pas aussi essentiel qu'on l'a d'abord imaginé. Ce que le structuralisme n'arrivera jamais à penser, selon Girard, c'est la dépendance réciproque du différentiel et des symétries indifférenciables dans le rapport de double. Donc, il est impossible d'articuler les choses sans le mécanisme victimaire, selon lui. La séparation du désir objectal et du narcissisme chez Freud résulte déjà de cette impuissance à dégager le mécanisme de structuration. Donc, entre le différentiel et l'indifférenciation, comme deux faces du même mécanisme. C'est la même impuissance chez Lacan et c'est la même séparation trop absolue entre les structurations symboliques qui relèvent d'un édipe réinterprété et les rapports dits duels qui relèvent d'un narcissisme réinterprété, le stade du miroir. L'impuissance à penser les deux choses dans leur dépendance réciproque se traduit par le caractère absolument statique du système, comme chez Lévi-Strauss, par l'absence de toute dimension temporelle. Cette impuissance devient manifeste dans la définition de la psychose comme forclusion pure et simple du symbolique. Selon Girard, toutes les grandes œuvres littéraires, et on pourrait ajouter par excellence le cinéma dont on s'occupe depuis des années dans ces séminaires, s'inscrivent en faux contre une conception qui une conception psychanalytique qui minimise le rôle de la violence et des conflits aussi bien dans les désordres que dans les ordres individuels et collectifs. Un des grands textes de l'école freudienne, c'est « Au-delà du principe de plaisir ». On en extrait, pour appuyer la thèse de l'entrée dans le langage et la dimension symbolique, la description du petit enfant qui s'amuse à faire disparaître et reparaître, attaché à un fil, une bobine dont Freud dit qu'elle représente la mère tantôt absente, tantôt présente. Lacan se plaît à découvrir là la première manipulation significative, l'apprentissage par l'enfant du signifiant. Dans une note, nous voyons l'enfant jouer au forte da avec sa propre image dans un miroir, et il y a là tout ce qu'il faut en quelques lignes pour suggérer les deux grandes thèses de Lacan. Au-delà du principe de plaisir est effectivement, aux yeux de Girard, un des textes essentiels de son auteur, mais ce qu'il frappe, c'est que le jeu du forte da est présenté dans une perspective mimétique et sacrificielle qui mérite d'être dégagée. Freud transforme le moment où l'enfant jette la bobine loin de lui en une véritable expulsion sacrificielle motivée par une impulsion vengeresse à l'encontre de la mère parce qu'il lui arrive de s'absenter. L'enfant, nous dit Freud, met en scène dans ses jeux toutes ses expériences les plus désagréables et les transforme, ce faisant, en expériences agréables parce qu'il réussit à s'en rendre maître. Donc, il fait un peu ce que toute société humaine fait avec le spectre de la violence. Donc, Freud... Désolé, mais c'est un peu comme la question de Forda, comme une révolte du côté... Je sais que tu as dit des... le sacrifice. Ben, c'est un peu comme le sacrifice, mais à l'échelle individuelle. Et c'est ça que j'ai introduit là. Et ce qui m'a semblé intéressant dans une perspective clinique, c'est que dans ces passages-là que je vais vous lire, Freud transpose ses théories à l'échelle individuelle ou du moins familiale. Hein? Dans les premiers processus de signification, en quelque sorte. Il montre que là aussi, il y a quelque chose de sacrificiel. Hein. Parce que, bon, le fort d'art, bon, il y a les expériences désagréables qu'on expulse, et les ayant expulsés qui deviennent agréables. En transformant ça, transformant le jeu avec les agréables en jeu, précisément, ça devient agréable. Hein. Ça devient ritualisé. Le rite, c'est un jeu. Et c'est comme intégré par la psyché individuelle, comme la société intègre dans sa psyché collective le sacrifice qui expulse le désagréable et le menaçant. Oui. C'est certaines révoltes aussi avec la mère, c'est ça que j'ai entendu un peu. Ben oui, le fait que la mère peut s'absenter, qu'elle peut être mauvaise en s'absentant. Bon. Il la met dans une autre... Exactement. Il la sacrifie en quelque sorte gentiment, en quelque sorte, en pouvant la ramener à volonté. Donc, oui. Mais vous avez parlé d'une vengeance? Oui. Oui. L'effort, c'est la vengeance aussi de la mère. Oui. Pour ben, vengeance par rapport à la mère. Là, on est dans la perspective de l'enfant. Là. Il se penche du fait que la mère peut s'absenter. Oui. En jouant avec le fait que de son absence, mais en étant le maître de son absence et de sa présence. Donc, bon, Freud a déjà noté que dans l'exemple observé par lui, le sujet ne laissait paraître aucun trouble quand la mère s'éloignait de lui. Bon, il parle d'une impulsion de vengeance, hein, de la citation ici, l'impulsion vengeresse, il y a la citation d'allemand aussi. Donc, une impulsion vengeresse réprimée dans la vie envers la mère. Donc, et qui est apaisée par le fait de pouvoir rejeter l'objet au loin. Donc, Freud nous affirme qu'il ne s'agit pas là d'un exemple unique. On sait, écrit-il, que d'autres enfants peuvent ventiler leurs sentiments hostiles en jetant au loin des objets à la place des individus réellement visés. Hein? Donc, déjà, l'idée de substitution par une victime qui représente le ressentiment ou la crainte, etc., enfin, de... L'hostilité à quelque chose de négatif, on le concentre sur un objet qui représente, qui symbolise l'objet réel de l'hostilité. Parmi les scènes les plus pénibles que les enfants ne manquent jamais de rejouer figure, nous dit Freud, l'expérience particulièrement terrifiante d'une intervention chirurgicale. La mise en scène comporte un élément de plaisir car l'enfant distribue les rôles parmi ses compagnons de jeu, de façon à se venger sur celui qui est substitué à l'auteur de l'expérience désagréable et qui représente cet auteur. En somme, c'est tout le problème des conduites rituelles que pose Freud, dans une espèce de clair-obscur au niveau de l'individu. La chose est confirmée dans le même paragraphe par la référence à l'art dramatique et imitatif des adultes qui n'épargne pas aux spectateurs même les impressions les plus pénibles, par exemple dans la tragédie, et qui en fait une source de plaisir. Nous voilà donc de retour à la catharsis aristotélicienne et à ses expulsions post-rituelles. Déjà par l'art, on a quelque chose d'analogue au rite, mais dans un registre d'esthétique individuelle, en quelque sorte. C'est vraiment là une page extraordinaire, bon, là il vient de la citer en allemand, là. C'est vraiment là une page extraordinaire, car lié à l'apparition du langage et des systèmes de signes, ce ne sont pas les jeux purement intellectuels dont parle le structuralisme que nous trouvons, mais une soif de vengeance qui devient constructive sur le rapport culturel parce qu'elle se dépense sur un Stellvertreter, un substitut sacrificiel, un représentant, un suppléant. Et tout cela se produit dans un cadre trop large pour l'Édipe. Il faudrait observer de près tout ce qui, dans ces quelques pages, se rapporte à l'imitatif et à l'imitation. Hein? Bon, Freud parle de Nachahmung, Nachahmlich, c'est le langage de la mimésis, de l'imitation. C'est considérable en dépit d'une certaine gêne qui paraît se manifester chez Freud est d'une tendance déjà à réprimer le thème, tendance que le structuralisme contemporain pousse jusqu'à l'escamotage radical. Freud comprend, semble-t-il, que le fort da n'est jamais que la reprise imitative d'un jeu proposé par les adultes. Si la mère perçoit sans peine que le « oh » de l'enfant signifie « forte », c'est parce qu'elle a servi de modèle à l'enfant. C'est elle, en somme, qui lui a appris ce jeu, lequel, dans le monde francophone, s'accompagne immanquablement des paroles « coucou, le voilà ». Donc, « da », c'est ce qu'on dirait après, comme « coucou », après, qu'on ait caché quelque chose, etc. Donc, Freud ajoute que c'est sans importance pour la valeur affective du jeu, si celui-ci est inventé de toutes pièces par l'enfant ou s'il est adopté à la suite d'une suggestion extérieure. Mais pour Girard, ce n'est justement pas sans importance que le processus de genèse symbolique relève d'une imitation. On peut constater très aisément que l'imitation joue un rôle essentiel en conjonction avec la substitution à tous les stades de l'opération quasi-rituelle décrite par Freud. La substitution n'est pas première, mais seconde, car elle n'est elle-même que l'imitation d'une substitution inhérente à tous les procédés victimaires, à toutes les impulsions violentes qui tendent irrésistiblement à passer d'objet en objet. C'est dire que même s'il ne dispose pas du mécanisme victimaire, Freud s'approche très près de lui en constatant, dans ce texte, qu'il existe entre la vengeance et les procédés de substitution une affinité réciproque. Freud comprend tellement l'importance de l'imitation dans tout ce qui se dessine là qu'il juge nécessaire de justifier l'absence de toute réflexion explicite à son sujet. Il est superflu, écrit-il, d'assumer un instinct particulier d'imitation comme motif du jeu de forte dent. Il n'est pas question pour Freud de refuser tout rôle à l'imitation. Mais si Freud avait réfléchi encore, il aurait compris que la possibilité d'une invention pure n'est pas tenable. Ou bien l'enfant imite une conduite déjà symbolisée par les adultes, ou bien c'est l'esprit de violence et de vengeance qui suggère la symbolisation en proposant de substituer une impuissance où l'on est de se venger réellement. Freud ne parvient jamais à démêler complètement ces deux imitations l'une de l'autre, et elles sont toutes deux présentes, une fois de plus, de toute évidence, dans la phrase suivante, celle qui évoque les arts imitatifs de l'humanité et en particulier la forme la plus vengeresse de toute la tragédie. Tout cela est présenté comme un nachahmen, une imitation des adultes, très analogue au nachahmen des enfants. Donc la version structuraliste fait ressortir certaines intuitions de Freud en direction toujours de l'ordre différentiel, et ce n'est pas sans intérêt. Mais ce gain s'effectue au dépens de quelque chose de beaucoup plus essentiel, qui n'arrive d'ailleurs pas à se formuler complètement, même dans les meilleurs textes freudiens, et c'est le jeu mimétique, bien entendu, qui va des formes les plus élémentaires de l'imitation au paradoxe des doubles et à la victime émissaire. Tout ce qui se dirige chez Freud vers cet essentiel, la double genèse édipienne par exemple, et pour introduire le narcissisme, non seulement n'est pas développé par la lecture structuraliste, mais est complètement passé sous silence, éliminé, ratiboisé, sacrifié à la toute-puissance de l'ordre différentiel et structurel. On peut penser, en vérité, qu'après Freud et au-delà de lui, deux routes se présentent. L'une qui maintiendra le sacré de la différence avec un grand D et qui ne pourra plus le faire qu'au niveau du langage, comme le structuralisme. L'autre qui s'attachera chez Freud à ce qui ébranle et subvertit secrètement cette différence. Donc la première route peut se définir encore au sein du cadre psychanalytique et dans sa version la plus brillante, elle met l'accent sur tout ce qui se rapporte à la différence linguistique chez Freud. Elle on voit qu'il songe à Lacan, là. Elle sacralise le langage au niveau du jeu de mots et constitue quelque sorte... et constitue quelque chose d'un peu semblable, sous bien des rapports, au passage de Molière à Marivaux. La seconde route ne peut progresser qu'en découvrant la mimésis d'appropriation, c'est-à-dire la nature conflictuelle de l'imitation, et si on en poursuit les conséquences jusqu'au bout, cette découverte fait inévitablement sauter les grands mythes freudiens d'Édipe et de Narcisse. Elle ne peut donc pas se définir au sein du cadre psychanalytique. Elle ne doit pas plus se réclamer de Freud, en dernière analyse, qu'elle ne se réclame des autres maîtres modernes du soupçon, comme Marx ou Nietzsche. Ceux-ci avancent tous, assurément, vers la victime émissaire et la révélation évangélique, mais à reculons, si l'on peut dire, et en tournant toujours le dos au but, un peu comme l'Édipe de Sophocle qui constitue le symbole parfait de ce qui est en train de se produire parmi nous aujourd'hui. Non pas, certes, en tant qu'il se découvre réellement l'auteur des crimes à dormir debout dont l'accuse ses concitoyens, comme de dormir avec sa mère, etc., mais en tant qu'il s'est jeté tête baissée dans la recherche des causes de ses et des responsabilités dans l'enquête qui doit déterminer le coupable du meurtre fondateur. Et il faut sans doute emprunter ces deux routes successivement selon Girard, en commençant par la première, la structuraliste psychanalytiste, psychanalytique, pour comprendre que seule la seconde est vraiment féconde. Elle peut s'incorporer les résultats valables de la première, alors que la réciproque n'est pas vraie. Donc, celui qui l'interview dans ce livre résume le propos. Contrairement à Freud, le désir pour Girard est totalement décroché du plaisir. D'une certaine façon, c'est au contraire le plaisir qui est à la remorque du désir. Deuxièmement, Girard arrive à montrer le mécanisme de reproduction des complexes psychologiques qui sont déjà intervenus dans l'histoire du sujet. Il explique également par quel mécanisme ces complexes ou ces constellations de circonstances se répètent ou s'aggravent. Et troisièmement, Girard croit pouvoir déconstruire le fameux instinct de mort par lequel on est arrivé à cette discussion du sacrifice dans la sphère individuelle. Effectivement, c'est par ce biais qu'on en arrive à ce qui l'intéresse le plus dans Au-delà du principe de plaisir, le problème de la répétition. Freud distingue deux types de répétition. Celui dont nous avons déjà parlé, qui lui paraît explicable, car il se ramène en définitive au mécanisme du fort da et du jeu rituel, destiné à assurer la maîtrise d'une expérience déplaisante. Ce premier groupe comprend les névroses traumatiques et il se laisse concevoir sur le modèle freudien de l'empreinte, du tampon qui à chaque coup se désancre et produit un exemplaire moins net. Dans le cas de la névrose traumatique, cette moindre netteté ne fait qu'un avec la maîtrise grandissante de l'expérience traumatisante. Bon, je suppose à travers sa transposition en jeu. Bon, du second groupe de répétition, Freud avoue honnêtement qu'il n'y a rien encore dans la psychanalyse qui permette de l'expliquer. Ce type de répétition n'apporte que des souffrances et il peut se produire même chez des individus dits normaux, puisqu'il ne présente aucun symptôme décelable et il se présente essentiellement comme des victimes passives. C'est pour ce type de répétition que Freud va inventer la fable d'un instinct de mort, fondée sur la tendance des corps vivants à revenir à un état primordial qui serait l'absence de vie. Bon, un peu comme chez Aristote, un corps tend spontanément à revenir à l'état de repos. On dirait qu'il y a quelque chose d'analogue chez Freud. Donc c'est par l'instinct de mort que Freud va répondre à un certain aveu d'impuissance devant le fait de ce phénomène qu'il décrit en ces termes de patients qui passent leur vie à hisser sur un piédestal, soit pour eux-mêmes, soit pour le monde entier, telle ou telle personne pour aussitôt renier son autorité, la précipiter de la roche tarpéienne et la remplacer par une nouvelle idole. C'est vraiment des processus... le genre de processus que décrit Girard, mais là, sous la plume de Freud. Que tout ceci fasse merveilleusement notre affaire, dit Girard, comment en douter quand nous lisons en particulier ces lignes qu'il vient de souligner, qui passent aussi près du processus mimétique qu'il est possible de le faire sans arriver malgré tout à l'appréhender complètement. Tous les phénomènes décrits par Freud, y compris ceux qui se trouvent en dehors de ce passage que je viens de citer, peuvent se ramener au processus défini dans les lignes soulignées, c'est-à-dire au processus de la rivalité mimétique et du modèle obstacle métamorphosé d'abord en idole, ensuite en persécuteur abominable. Il faut aussi observer, et c'est plus essentiel encore, que le complexe d'Édipe ne peut pas rendre compte de ces phénomènes, pourtant si analogues à ceux que Freud lui attribue. Et c'est bien parce qu'ici, Freud ne l'invoque pas qu'il est si proche de notre langage. Freud reconnaît de façon explicite qu'on ne peut pas repérer dans l'enfance du patient ce qui provoque ce type de répétition. Il n'y a rien là qui ne ressemble pas aux symptômes reconnus par la psychanalyse. Selon Girard, l'hypothèse du désir mimétique résout sans effort les difficultés sur lesquelles Freud lui-même met le doigt. Donc, dans au-delà du principe de plaisir, en effet, Freud soumet ses propres thèses à une critique implicite qui prend toute sa signification à la lumière de l'hypothèse mimétique de Girard. Parce que le principe mimétique présente l'avantage de rendre la répétition intelligible et même nécessaire, à la différence bon, de l'Édipe ou même de Totem et Tabou, où tout semble, la répétition semble tirée par les cheveux, on ne voit pas d'où elle vient. Le principe mimétique, selon Girard, restitue le style même de cette répétition et sa tendance à l'aggravation constante, laquelle peut mener à la folie et à la mort, c'est-à-dire à un terme qui apparaît forcément à l'observateur incapable de repérer le jeu mimétique comme une visée existentielle directe, comme si on voulait la mort pour elle-même. En postulant son instinct de mort, Freud refait une fois de plus ce que nous l'avons vu faire à toutes les étapes de sa démarche, c'est-à-dire à tous les stades du processus mimétique. Il en voit assez pour reconnaître que la compulsion de répétition, chaque fois qu'elle n'a pas un caractère rituel ou pararituel, se dirige vers la mort. Il n'en voit pas assez pour repérer le principe capable de tout unifier et d'assurer une explication satisfaisante pour tous les phénomènes, sans exception. Répétons donc une fois de plus, dit Girard, le mécanisme de la répétition mimétique. Le sujet qui ne peut pas décider par lui-même de l'objet qu'il doit désirer s'appuie sur le désir d'un autre. Et il transforme automatiquement le désir modèle en un désir qui contrecarre le sien. Il transforme automatiquement le désir modèle en un désir qui contrecarre le sien. Donc l'idole devient automatiquement rival. Parce qu'il ne comprend pas le caractère automatique de la rivalité, l'imitateur fait bientôt du fait même d'être contrecarré, repoussé et rejeté l'excitant majeur de son désir. C'est parce qu'il se sent rejeté, parce qu'il établit cette rivalité avec l'objet de son désir, qu'il est motivé dans son désir. Sous une forme ou sous une autre, il va incorporer toujours plus de violence à son désir. Reconnaître cette tendance, c'est reconnaître que le désir, à la limite, tend vers la mort, celle de l'autre, du modèle obstacle et celle du sujet lui-même. Ce mouvement du désir mimétique ne se laisse pas seulement repérer chez les malades, chez ceux qui poussent le processus mimétique trop loin pour fonctionner normalement, mais aussi, comme le disait Freud, chez les gens dits « normaux ». En fait, selon Girard, Freud sépare ce qu'il faudrait unir parce qu'il ne reconnaît pas dans son principe de plaisir et son principe de mort deux effets partiels et mal compris d'une seule et même cause, le désir mimétique. Le désir mimétique croit choisir la voie la plus facile et la plus vivante, alors qu'en réalité, c'est vers l'obstacle, la stérilité et la mort qu'il se dirige de plus en plus. Seul l'hermétiquement fermé l'intéresse, seules les portes qui ne s'ouvrent pas quand on frappe. C'est pourquoi il frappe là où il n'y a plus personne pour ouvrir et il en arrive même à prendre pour des portes les murs les plus épais. Il faut replacer les textes de Freud et de Proust que nous avons lus, dit Girard, dans le mouvement général de la culture et de la littérature contemporaine. Dans le domaine de la métaphore en particulier, ils s'inscrivent sur une trajectoire dont la signification d'ensemble n'est pas douteuse. Elle correspond à l'obsession grandissante et par conséquent au durcissement de l'obstacle mimétique. L'autosuffisance bienheureuse, le divin en somme, tend à se réfugier dans les formes d'existence les plus éloignées de la nôtre, finalement dans l'inorganique lui-même, dans la substance impénétrable des matières les plus résistantes, comme la pierre ou le métal, on peut rajouter le plastique, etc., la technologie en général. Le désir débouche enfin sur la froideur vide des espaces de la science-fiction, sur ces trous noirs dont parlent aujourd'hui les astronomes, d'une densité si effroyable qu'elle attire à elle toute matière dans un rayon de plus en plus vaste, et de ce fait même, sa puissance d'attraction ne cesse d'augmenter. Et à mon avis, c'est une superbe image pour ce vortex structurant de la culture contemporaine que ce soit dans notre culture médiatique, avec cet imaginaire de l'horreur et de la science-fiction qui s'entremêlent, bon, les épidémies de zombies qui nous obsèdent et qui sont même simulées comme des exercices de sécurité publique. Il y a toute une culture autour de ça, parce que c'est la souveraineté de la mort vivante, hein. Bon, c'est qu'un exemple. Évidemment, il y a la forme littérale de ça qui est de l'autre côté, le djihadisme. Tu sais, cette fascination de l'autre impénétrable, de ce qui résiste au désir, ça devient le seul objet du désir. Et ça rejoint un peu ce que tu disais, Karim, dans la session précédente sur ces objets. Parce qu'ils n'entrent pas dans des relations de dons ou d'échanges spécifiques, en viennent à les monopoliser par leur extériorité même. Hein. C'est sûr que tout le processus de la société, au sens où on entend Tunis, amène à ce genre de phénomène. Bon, l'État, l'argent, la technique, toutes ces entités, ces processus qui sont à l'extérieur de... Des processus d'échange interpersonnel et par le fait même polarise le désir vers eux. On veut devenir aussi aussi invulnérable que des machines ou des extraterrestres ou de bon. Il y a un penseur critique allemand, pionnier de la pensée, enfin, qui est beaucoup cité dans le milieu écologique, Günther Anders, qui parlait de honte prométhéenne, hein, que l'être humain aujourd'hui se sent honteux par rapport à la perfection de ces machines. On se sent la condition humaine nous fait honte par rapport à ce que la toute puissance sans conscience et automatique et souveraine des machines. Qu'on prend en exemple d'une façon comme l'équivalent du divin. Il y a qu'à se voir vendre dans le métro les annonces de collèges techniques, et c'est sûr qu'on nous montre des entités de type cyborg là qu'on peut imiter en entrant en devenant ingénieur, etc., en créant des mondes informatiques. C'est cette divinité de l'inorganique extérieur à l'échange humain, c'est ce qui mobilise le désir. Précisément parce qu'il n'y répond pas, hein, parce qu'il semble autonome. C'est l'illusion d'autonomie du mensonge romantique qui devient le nouveau divin de l'homme moderne dans son régime post-humain, qui va faire l'objet de mon prochain cours, qui va porter non sur l'histoire, mais sur l'avenir. Pas sur le passé, mais sur le... Oui, je vais faire l'histoire de l'avenir au lieu du passé. On a un petit 20 minutes pour des questions avant le dîner. Vous pouvez répéter un peu, c'est comme revenir sur la question de la relation entre la répétition et le mimétisme, dans le sens que... dans le sens de... Ce que j'avais remarqué, c'est que le mimétisme comme justification de la répétition. C'est le processus même de la répétition, en quelque sorte. Donc, qu'on retombe, on imite spontanément quelque chose qui est une structuration déjà donnée du désir. Hein, donc, dire mimétique, c'est dire répétitif. Hein. Parce que de toute façon, l'objet est par définition insaisissable. Donc le processus qui nous permet de le pacifier doit être répété. C'est la nature même du rituel qui doit être répété. On ne règle pas la question de la violence une fois pour toutes. Il faut revenir sur le lieu du crime pour rejouer la scène du crime. Et comme ça, ça nous évite de refaire le crime. C'est... parce qu'on demeure obsédé par le crime, même par l'idée du crime, hein, peut-être, parce que quand on a peur du crime qui pourrait être commis, parce qu'on a la vague notion de la possibilité du crime, on est comme obligé de faire quelque chose qui évoque ce crime et qui nous l'évite. C'est déjà ça le fort d'âme, plutôt que se venger de sa mère en l'éloignant définitivement. L'enfant l'éloigne temporairement, la fait revenir à volonté, donc la ramène à la vie, à l'intérieur de son propre rite, et comme ça il intègre ses pulsions violentes sans passer à l'acte. Donc c'est comme si la possibilité même de la violence créait une sorte de courbure, en quelque sorte, une sorte de petite coche dans la texture du réel qui infléchissait le c'est comme si la conscience, le désir était une bille qui circulait sur une surface plane, mais où il y a toujours la coche de cette possibilité d'une violence, puis qui la bille doit toujours revenir là. Mais je trouve que il y a une telle énergie là qu'elle est comme propulsée ailleurs, mais qu'elle doit toujours revenir, hein. C'est comme une mouche autour d'une ampoule, hein. Bon, elle est attirée par la lumière, elle est fascinée par la lumière, elle se précipite dessus. Ah! Donc, ça fait mal, elle s'enfuit, mais en même temps, elle demeure fascinée, elle ne peut pas s'échapper. C'est le désir et sa limite violente est donc structurée par une compulsion de répétition du même ordre. À un niveau individuel Et pour moi, j'étais ravi de découvrir ce passage parce qu'il me semblait qu'il y aurait tout un chantier à faire à transposer les intuitions girardiennes sur comment le social, la culture se structure, à transposer ça à l'échelle clinique. Je m'étonne que personne ait vraiment essayé ça à ce jour. Alors qu'il est en plein, vraiment dans le détail là, des premières intuitions de Freud et de ses commentaires lacaniens, il y aurait des choses à faire là, me semble. C'est lui, c'est qui? C'est pas Tonis, non? Qui écrit... Je parle de René Girard, là. Je ne parlais que de René Girard aujourd'hui. Tonis, c'était la semaine dernière. Mais je pense que... Donc on parle de quelqu'un qui vient de mourir là, il y a quelques semaines, et qui écrivait encore ce genre de choses-là il y a quelques semaines. Là. Bon. Ouais. Donc. Mais je veux dire, si personne ne l'a fait, c'est parce que Lacan l'a pillé déjà, et donc a détourné un certain nombre de ses idées dans ses propres théories. De Girard, oui. Parce que pour Lacan, par exemple, le désir ne s'étaye pas sur le besoin, comme le disait Freud. Le désir s'étaye sur la rivalité, sur le mimétisme. C'est-à-dire que l'enfant désire sa mère, non pas parce qu'elle l'a soignée et tout ça, mais parce qu'elle est désirée par le père. Exactement. C'est drôle, moi j'ai eu très tôt dans la vie une intuition de ça, mais pas à partir de l'observation humaine. Quand je jouais avec mon chien, je jouais à la balle avec mon chien, le chien n'avait aucun intérêt pour la balle, sauf que quand je laissais chercher la balle, ah oh là, il fallait que lui l'aille, non pas... Là, j'ai compris une chose fondamentale sur la psyché. Animal et humain. Les choses sont intéressantes dans la mesure où quelqu'un d'autre peut les vouloir aussi. C'est ça. Il va avoir un autre qui désire. Exactement. Qui désire. Ben, c'est ça. Moi, je trouve assez particulier qu'au fond, Girard, comme Freud, démarre sur l'idée de qu'est-ce que le désir. Hein, c'est comme quelque chose de très important, comme si il voulait construire une maison, puis qu'il leur fallait la première brique, tu sais, qu'il fallait inventer la première brique de cette maison, tu sais. Bon, alors il y en a un qui a dit « tout est sexuel » et l'autre qui a dit « tout est violence », tu vois. Mais tous les deux sont partis d'une sorte de suspension du désir, une sorte de moment où on ne sait plus ce qu'est le désir, tellement qu'on ne sait plus ce qu'est le désir, qu'il faut l'inventer. Ben en fait, Gérard dit que c'est la situation dans laquelle on arrive comme humain, et puis on ne sait pas quoi désirer au départ. Là, hein. On ne sait pas quoi faire de nos pulsions identificatoires ou je ne sais pas trop quoi. On ne sait pas quoi vouloir, en fait. On n'arrive pas avec une volonté, mais on a une sorte de volonté. On a une volonté qui n'est pas liée aux instincts. C'est ça la singularité humaine. On a une volonté qui n'est pas prédéterminée par l'instinct. Alors, on ne sait pas quoi en faire. Alors, ben on la raccroche au premier objet analogue qui nous tombe sur la main, c'est-à-dire un autre sujet qui est dans la même situation. Et on imite la façon dont il s'en tire. Et on arrive avec un manque, pas comme un besoin à remplir, là, bon, une fois qu'on l'a rempli, on a la satiété, puis bon, ça finit là, mais une sorte de manque dynamique en quelque sorte, une énergie qui ne sait pas où se tirer en quelque sorte, mais qui doit se remplir de quelque chose, qui doit s'orienter, qui doit savoir quoi faire avec elle-même. Il y a une sorte de disponibilité qui n'est pas passive, justement. Elle est active. Elle est active, mais elle n'a pas d'objet prédéterminé. Alors, il faut qu'elle en trouve. Il faut qu'elle en trouve un. Oui, c'est ça. Je, mettons que moi, je m'inscris en faux et contre Freud et contre Girard à ce niveau-là, parce que je pense que l'erreur fondamental qu'ils commettent tous les deux, c'est de dire que nous ne sommes pas des animaux. Et qu'il faut partir de ce fait que nous ne sommes pas des animaux et que nous n'avons pas d'instinct. Cette hypothèse, si tu veux, anthropocentrique, les oblige à élaborer une conception qui me paraît relativement abstraite du désir, qui est un peu convaincante. Bon, pour l'un c'est le sexe, pour l'autre c'est la violence, mais il n'y a pas de désir de la violence. Le désir vide qui impose la rivalité des désirs, c'est pas qu'il y a un désir de violence au départ. Il y a un désir de désir. Il y a un désir de faire quelque chose avec le désir, qui trouve rien d'autre que du désir. Donc ça met dans une situation de rivalité, de là la violence. Je veux le désir de l'autre, c'est pour ça il est mon rival, et ça. Ben oui, c'est aussi bête que ça. C'est ça. C'est parce qu'il y a d'autres désirs qu'il y a de la rivalité, tout simplement. Il n'y a pas besoin d'avoir un objet prédéterminé pour ça. Oui, de gagner. Ouais. S'imposer le pouvoir. Ouais. Ben, déjà, le pouvoir, c'est un objet, c'est même pas ça. C'est même pas ça. Et justement, là encore, je ne sais pas Lacan comment il se situe par rapport à Girard historiquement, mais Lacan a beaucoup travaillé sur Hegel, le Hegel de Kozev. Mm-hmm. Et le Hegel de Kozev, c'est précisément ça. C'est le désir humain et le désir de l'autre. Hein. Je désire, est un désir de désir. Mm-hmm. Alors, bon, c'est ce que dit Girard aussi bien. Je veux dire, Et donc, Lacan est arrivé à ce moment. Mais, si tu veux, et Lacan et Girard sont des gens qui sont proches de la Deuxième Guerre mondiale, ou pré ou post-Deuxième Guerre mondiale. Il a écrit quand, Girard, à peu près? À partir de l'après-guerre, c'est ça. J'ai trouvé un L'après-guerre. poste, fin des années 40 aux États-Unis, là, puis c'est comme ça que, par hasard, il était comme. Il fallait qu'il écrive, il fallait qu'il fasse des cours sur les romans français. C'est comme ça que il réfléchit à comment il fonctionne, là, puis il a découvert ce genre de phénomène. Là, ça l'a mené toujours plus loin. C'est ça. Bon, Lacan et Girard sont proches, je trouve, tu sais. Ben, Lacan, justement, a connu toute cette avant-guerre, là, Kojève et tout ça, donc tout cet univers des années de 1930, là, bataille surréaliste, la redécouverte de Hegel et tout ça. Girard, c'est quand même. Il arrive en même temps un peu que les existentialistes d'après-guerre, mais sauf qu'il est arraché à ce, bon, il est arraché à ce monde-là. Donc, il doit se poser des questions à neuf de son isolement américain. Donc, c'est là qu'il trouve des intuitions qui sont pas vraiment directement, sont pas vraiment liées à ce qui se passe en France à ce moment-là. Ceci dit, donc, il sait ce qui se passe en France. Donc, c'est clair que tout son. Ces textes-là, il répond directement aux théories en vogue en France à ce moment-là, là. C'est clair, explicitement. C'est ça, parce que en même temps, tu sens que Lacan a remis en question la notion de l'Édipe, hein, comme lui le fait, tu sais, comme Girard le fait. Donc il y a une parenté là, importante entre les deux hommes là, Mais t'allais dire que tu te plaçais en porte-à-faux avec les deux Oui. par rapport à quoi? Par rapport au fait que l'humain n'était pas un animal, t'avais commencé quelque Oui, chose? c'est ça. Disons que moi, ma théorie est plus anthropologique, justement. Elle postule à l'encontre de ces deux auteurs que l'homme est un animal. Alors pourquoi il ne se comporte pas comme un animal, justement? Pourquoi il a besoin d'inventer la culture avec sa structure sacrificielle? Il n'y a aucun animal qui a besoin de symboliser, qui a besoin de rites, qui a besoin de langage. Il y a quelque chose, c'est ce qui manque à l'être humain qui l'oblige à avoir recours, à passer par le détour de la culture pour arriver à survivre. C'est l'homme a moins que l'animal, en fait. Et Ben moi? oui, ben oui, c'est pas un surplus qu'a l'être humain, il a moins. C'est pour ça qu'il doit trouver quelque chose pour gérer cette indétermination Oui. du désir. Parce que Parce que l'animal, il sait. le désir animal se fixe. Se Sur fixe la mais, mais même là où il y a, même là où il y a des conflits sur le même objet, ben, il y a très facilement la hiérarchie se met en place, l'homme a du plus fort ou plus Il y a faible, des qui a droit à quelle femelle, dans quel ordre, à quelle nourriture, dans quel ordre, tout tombe en place de façon automatique. Mais l'être humain, à cause de cette capacité négative qu'il a, ce qu'on appellerait l'imagination, peut toujours s'imaginer, on dirait, à la place de l'autre, peut toujours s'imaginer, il se contente jamais complètement au premier degré de sa position animale dans la hiérarchie des forces. Il a toujours assez d'imagination pour la remettre en question. Donc, il a besoin de justifier l'ordre, surtout pour l'accepter, pour le contester. Donc, la hiérarchie les objets de désir. Ne se structure pas spontanément Il n'y a pas chez l'être d'objet. humain comme chez les autres animaux. On peut trouver, je suppose, des étapes intermédiaires chez certains autres primates, les chimpanzés, les bonobos, les gorilles. On pourrait observer là, bon, où passe ce seuil, puis il y a probablement des degrés, mais il y a quand même un point de bascule, clairement, chez l'Homo sapiens sapiens. Et même là, probablement des choses analogues se sont produites chez les autres espèces humaines, comme Néandertal et quelques autres, et qu'elle n'a pas toujours été là chez l'homme moderne. C'est des choses un peu mystérieuses. Où passe le point de bascule? Mais bon, on est dedans, là, et il y a clairement quelque chose d'autre qui se passe que dans les sociétés animales, là, que le symbolique et le culturel et la ritualisation de la culturelle symbolique de la violence deviennent si centrales. Et qu'elle soit toujours là, en fait, que ça, on arrive, en fait, notre problème, c'est qu'on n'arrive pas à retrouver une véritable animalité. On a beau essayer, mais ça fait qu'empirer les choses. Ouais, enfin, disons que je conteste pas mal ça, là, surtout le fait que il y a toujours un moment dans ces théories où l'homme est décrit comme étant dans une sorte d'indécision où il doit s'orienter dans un sens ou dans l'autre. Hein? C'est comme si il est pris dans une sorte de vide dans lequel il ne peut pas demeurer et il faut qu'il réfléchisse pour prendre une option plutôt qu'une autre, tu vois. Cette description de l'homme conscient et réfléchissant, bon. Mais c'est pas l'homme désirant, ça, hein? Il faut une démarche a posteriori pour démonter les désirs, parce que c'est pas du tout conscient. Le fort dedans, c'est pas une réflexion que. Il n'y a pas eu de raisonnement derrière ça, hein? C'est Ouais. C'est ça. Ouais. mais pourtant, il y a une structure, là, qui est pas instinctive, c'est autre chose. Le désir, c'est pas le raisonnement. C'est pas la délibération du membre calculateur rationnel de la société Oui. selon Tennyson, Mais c'est autre c'est quand chose. même comme la dualité absolue, cette dualité entre les forts et les dents. Ben, l'absence et la présence de l'objet favorisé D'une autre de façon, désir. oui. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Parce qu'on peut l'imaginer. L'animal est confronté à ça aussi, mais il ritualise pas l'alternance du fort dedans. Il n'a rien à faire avec ça. Il va se lamenter, ou il va. Bon, qu'est-ce qu'il va faire? Mais je doute qu'il va s'inventer un jeu avec ça, puis sur lequel on peut même on peut on développe peu à peu un système symbolique. La façon de gérer l'absence est très très très différente. Au fond, c'est le problème de l'absence. L'absence de l'objet de désir. Mais l'absence aussi de l'autre sujet de désir, c'est parce qu'il ne s'agit pas d'objet. En fait, c'est ça, il ne s'agit même pas primordialement d'objet, mais d'un autre sujet. Le désir, c'est toujours le sujet d'un autre sujet, le désir d'un autre sujet, quoi. Je ne sais pas pourquoi, mais je vois toujours quelque chose de contrôle de l'homme, non, de l'être humain. Parce que dans ces faits de comment solutionner un peu, par les biais de l'effort d'art, il y a aussi autour de l'absence, bien sûr, une façon de résoudre ça. Mais l'être humain pourrait, par exemple, laisser l'absence, mais il a toujours besoin de, à travers les symboliques, à travers l'effort d'art, symboliser l'absence, mais parce qu'il a besoin d'un contrôle. Il ne peut pas se laisser comment on dit, à la vague de la mer. Il a besoin de celui qui a le pouvoir, le contrôle, les rôles dominateurs ou quelque chose comme ça. Oui, contrôler sa vie, ne serait-ce que Oui, de ne contrôler pas ce se qui laisser arrive. contrôler pour la Ben, ne mer. pas se perdre dans l'environnement, parce que ça voudrait dire la mort, quoi. Et bon, il a un réflexe d'être vivant, de ne pas C'est simplement ça. se dissoudre dans l'environnement. Je veux dire, une structure inorganique, elle s'en fiche d'être intègre en elle-même ou de se dissoudre. Un être organique a nécessairement ce réflexe de maintenir Exactement. Quelque chose de son intégrité. Exactement. Bon, les êtres humains aussi. C'est l'intégrité. Oui. Écoutez, c'est sûr que ma distance avec Girard est importante, ma distance avec Freud aussi, même si elle est moins importante. Et je dirais que mon option d'aller du côté de l'écoute anthropologique postule que il y a du désir qui est presque, pour ainsi dire, déjà donné à l'état animal, et que entre la chair de l'animal et le verbe, il n'y a pas véritablement de différence de nature. Et c'est ça, au fond, que je cherche à promouvoir par divers moyens, hein, entre autres par le congrès qui s'annonce bientôt. Je cherche à promouvoir l'idée que entre l'animal et l'homme, il n'y a pas de différence de nature, et entre la chair et le verbe non plus, et que on peut simplement déceler des différences, mettons, quantitatives, ou des différences de degré, mais qu'il n'y a pas véritablement de rupture radicale entre l'animal et l'homme, c'est-à-dire entre l'animal qui serait plus du côté de l'instinct et l'homme du côté du désir. Cette différence, je n'y souscris pas, et je m'oriente beaucoup là-dessus, puis c'est faisable de construire les choses autrement. Mais bon, ça, ce n'est pas aujourd'hui que je vais tout développer, là, mais voilà. Il est 13 heures. Ah oui? Oui. 13 heures? Oui. Je pensais que c'était midi et demi. Non, il est 1 heure. Il est temps d'aller... Yeah.